Alors, mesdames et messieurs, votez pour nous. En tout cas, si vous votez pas pour nous, votez pas pour l'autre, là. Qui? Tu sais que, qu'a les yeux, un œil qui sait pas, qui voit pas. En gros, il parle comme ça. Oh, j'ai peur! Oh, j'ai peur! Je connais pas lui, moi. Le breton, là. Ah non! Lui, c'est un menteur! Non! Ça m'arrive pas la peine, là! Non! Moi, écoute! Non. Jamais tu fais ça. Tu fais pas ça jamais, mesdames et messieurs. Écoute, mesdames et messieurs, si tu votes pour lui, c'est fini. Moi, j'envoie tout le personnel mairie, le Kosovo, militaire et tout, la bombe. Alors. Oui, mesdames, il est capable de le faire, hein. C'est un fou. Alors, votez pour nous, s'il vous plaît. Ah ouais, il faut voter chez nous, c'est tout. Ou personne. Je marie comment? Ça m'arrive pas la peine, là. Jamais ça.